Pour moi se dit para mí. Hein? Para, P-A-R-A, para mí, pour moi. Et pour vous, hein, je pense ici au vous de politesse, hein, c'est para usted. Hein? Usted s'écrit U-S-T-E-D. Selon les régions, le déplacé en fin de mot s'entend à peine. Usted. Ou se prononce comme un F. Hein? Ou Steph. Et le U se prononce ou. Hein? Se prononce toujours ou en espagnol. Donc, usted. U-S-T-E-D. Alors, pour vous, se dit para usted. Para usted. Et comment direz-vous c'est pour moi? Es para mí. Es para mí. Bien.